Je deal le barbe à Melville, de la dôme à tous les accros. J'appuie sur la conscience des gens. Pour leur souffle de l'argent. Je sais, je suis un arnaqueur. Mais dans le fond, je ne veux pas. Je deal le barbe à Melville. Tu ne vous feras aucun effet. Mais tu as moi, le rapport d'amitié.